c'est Rémi. Te raconte la vérité. Mes rimes sont à méditer. Rappelle-toi après l'école, on cherchait que le ballon. Le quartier c'était un terrain de jeu, les grands c'était nos darons. Rappelle-toi après l'école, tu te mettais au balcon. Tu voyais tous tes potes, dommage maman te disait non. Rappelle-toi après l'école, les batailles de marron. Et si ça cassait un carreau, fallait courir, c'était marrant. Rappelle-toi à l'époque de la rue, t'avais pas les codes. T'attirais pas les connes parce que t'avais fait du ballon. Et je préfère une enfance dans la street que dans un palais. Car ça te fait comprendre des trucs d'adulte alors que t'as pas 18 balais. Maintenant dans le bas de Calais, bloc dans les couilles, bouteille canette. Et si la baisse, t'es passe mon poteau, protège-toi bien la tête. Ouais, c'est fini l'école, les petits veulent prendre le monopole. Les grands qu'on respecte encore, c'est ceux qui te respectent depuis que t'es môme. Et j'ai 20 ans, je t'apprends la vie, mon grand. Y'a qu'avec une paire de couilles et un grain de folie, tu prends l'élan. Je me rappelle, j'avais rien quand j'étais en bas. Je vois les keufs qui débarquent et qui nous embarquent. C'est Rémi Nem qui fait que te raconter ta peine, qui fait rimer ta haine, car on partage cette même chienne de life. Je me rappelle, j'avais rien quand j'étais en bas. Je vois les keufs qui débarquent et qui nous embarquent. C'est Rémi Nem qui fait que te raconter ta peine, qui fait rimer ta haine, car on partage cette même chienne de life. Je me rappelle, j'avais la rage quand mon pote commence à daver. De pas, je m'en bats les couilles, mais moi j'ai vu sa daronne pleurer. Je lui disais d'arrêter tout ça, qu'on était trop petit pour ça, qu'on vient de la rue, qu'on peut s'en sortir, mais le cheat ça déboussole. Et moi, je suis bon qu'à rapper, qu'à faire des textes, des 16 lourds. Je suis seul mon pote, même s'il y a grave du monde aux alentours. Je me rappelle pas des apéros, mais du 4-50 à Saxe. Et j'ai le seum pour mon gava, tout durant cette foutue chasse. Parle-moi pas plavant gros, le sale je le ferai plus maintenant. Devant les problèmes, c'est soit tu grandis, soit tu restes un enfant. Mental de vainqueur, pas de vaincu, sinon on avance jamais. Je courrais toujours après mes rêves, avec ou sans cardio sa mère. On se reverra dans 10 ans et on verra. On parlera du bon temps, on oubliera le mauvais. Avoir confiance en soi pour réussir, c'est vital. Mes écrits s'en iront, mais mes paroles resteront à jamais. Je me rappelle, j'avais rien quand j'étais en bas. Je vois les keufs qui débarquent et qui nous embarquent. C'est Rémi Nem qui fait que te raconter ta peine, qui fait rimer ta haine, car on partage cette même chienne de life. Je me rappelle, j'avais rien quand j'étais en bas. Je vois les keufs qui débarquent et qui nous embarquent. C'est Rémi Nem qui fait que te raconter ta peine, qui fait rimer ta haine, car on partage cette même chienne de life. Je me rappelle, j'avais rien quand j'étais en bas. Je vois les keufs qui débarquent et qui nous embarquent. C'est Rémi Nem qui fait que te raconter ta peine, qui fait rimer ta haine, car on partage cette même chienne de life. Je me rappelle, j'avais rien quand j'étais en bas. Je vois les keufs qui débarquent et qui nous embarquent. C'est Rémi Nem qui fait que te raconter ta peine, qui fait rimer ta haine, car on partage cette même chienne de life.